tienne. Regarde tes putes, même pas capable d'agir eux-mêmes. J'ai tellement la dalle, je crois bien que je pourrais manger de la chair humaine. Je serais vraiment choqué d'apprendre qu'il y a l'état hostile. En ce moment, j'aimerais me faire masser par une belle haïtienne. Moi, je me laisse pas faire, je suis pas comme ceux qu'on déshabite. Je pense à ma folie autour de Sky que j'ai déjà bu. Merde, j'ai déjà plus de nerfs, éloignez vos touristes. Quand je regarde que j'ai pédard, putain, j'ai déjà fumé tout le riz. Ouais, ouais, je ressens du stress chez les époux. C'est vrai que j'aime le luxe, mais je trouve l'inspire dans les égouts. J'adopte une politique, je sais pas si vous plaît laquelle. Si on serait à l'ancien temps, tu viens, j'aurais coupé de tête. J'ai un œuf et vous me laissez m'asseoir. La baisse de film, la cité de Dieu, je trouve ça plus que blasphématoire. Non, ils veulent notre bien, tu sais que tous mentent. Pour le bavure, si les cafes auraient des tocs, on serait tous morts. J'ai mieux braver les interdits, de toute façon j'ai rien à perdre. Moi, j'ai plongé dans la veine, d'ordure ma touche, c'est mon label. J'ai les hommes, mes femmes, je vois pas mal, font les pachas. Alors qu'il y a des mecs qui se débutent et des crasses qui piquent la chatte. Je suis triste de mon réel. Et par nos jours, étonnamment, je préfère voir mon fils au placard qu'avoir une fille qui tourne à mort. J'dis que le millénaire est grave gros. Rien d'y penser à ces images, j'ai mal au crâne. Même rap d'aujourd'hui, franco, faut leur dire qu'ils se détendent. Moi je n'y vois que des bouffons qui prennent la côte à Disneyland. Et puis entre quatre, ouais, t'es un petit bâtard. Ta mère la pute fera la passer vers le détroit de Gibraltar. T'as besoin de quoi, je ramène ça sur un coup de fil. J'suis tellement taré que l'amour de ma vie se trouve dans un coffee. Soit t'es coopératif ou soit en baisse. Pour te refaire ma vie entière, sans un peu cela 100 000 pièces. C'est comme les femmes, je les vois pas que sous un angle. J'suis un bâtard avec les putes, avec les vrais, je suis un ange, oui. Pourquoi voulez-vous que je change de thème? J'avais 13 ans, je faisais 1m30, je prenais des chambres d'hôtel, ouais. Est-ce que je m'en foutais de l'école, de l'institution? Mon rêve s'était barré, j'en voulais sa restitution, à ce qui paraît. Il faut du temps pour qu'on les tient, moi j'ai très tôt compris que mon père bossait pour une paye de mystère. J'ai mieux bravé les interdits, de toute façon j'ai rien à perdre, moi. J'ai plongé dans la veine, dans sur ma touche, c'est mon label. J'ai les hommes, mes femmes, je vois pas mal, font les pachas. Alors qu'il y a des mecs qui se débutent et des crasses de ce qui pique la chatte. Je suis triste de mon réel. Et par nos jours, étonnamment, je préfère voir mon fils au placard qu'avoir une fille qui tourne à mort. Quoi? Je dis que le millénaire est grave gros. Rien d'y penser à cette image, j'ai mal au crâne. Je les baisse tous la bile, je veux que tous la bide. Ils font pas d'âme, il y a de sang pour qu'ils fissent tous la bide. Je fais pas du rap, afin d'être populaire. Niggas, une fin du rap, moi j'ai des armes et mon dépôt de l'herbe. Tire pas en l'air, c'est le gendarme est là. Gros, une taille de 4 litres de sky, moi j'entame et là. Mal le cœur pénétré comme un piercing. Quand R6, je m'arrête, je te blâme pour dire merci. Il faut que je participe, je suis trop surmené. Je suis en terrasse sur le toit du monde, je perds les lunettes sur le nez. Je suis en quête de racines, d'une bonne cage thoracique. Je suis tellement parano poteau que j'en thoracie. Ma gueule, les écarts, c'est pour te la servir. Avant y'avait des armes et là les types déjà s'en servir. Ouais, si tu rappes la rue, y'a mon label dans le thème. Drogue, armes, lias, tiam, c'est de la belle gentelle. Je vais braver les interdits, de toute façon j'ai rien à perdre moi. J'ai plongé dans la veine, dans sur ma touche, c'est mon label. J'ai les hommes, mes femmes, je vois pas mal, font les pachas. Alors qu'il y a des mecs qui se débutent et des crasses de ce qui pique la chatte. Je suis triste de mon réel. Et par nos jours, étonnamment, je préfère voir mon fils au placard qu'avoir une fille qui tourne à mort. Quoi? J'ai mal au crâne, braver les interdits. De toute façon j'ai rien à perdre moi. J'ai plongé dans la veine, dans sur ma touche c'est mon label. J'ai les hommes, mes femmes, je vois pas mal, faut les pachas. Alors qu'il y a des mecs qui se débutent et des crasses de ce qui pète la chatte. Je suis triste de mon réel. Et par nos jours étonnamment, je préfère voir mon fils au placard qu'avoir une fille qui tourne à mort. Je dis que le millénaire est grave gros. Rien d'y penser à ces images, j'ai mal au crâne.